j'ai plus d'arsène là. Attends. Ah si si si, ça y est, c'est l'arsène, pardon. Ça y est. Ouais. Bon. Et alors attends, est-ce que tu entends la cymbale là? Attends, faut que j'enlève le téléphone, sinon. Bah oui, mais c'est peut-être le téléphone, attends. T'as entendu ou pas? Allô? T'as entendu? Bon, bah alors, donc alors attends, maintenant je vais faire un test au casque. Donc théoriquement, je devrais entendre le bordel dans le casque. Alors, bah oui, mais j'entends rien au casque. Attends, ah bah non, il est pas branché, je suis con. Allô? Ouais, j'ai rien au casque. Est-ce que tu m'entends là dans le truc? Tu m'entends Laurent là? Ouais, je t'entends parce que je suis au téléphone. Ouais, ouais, mais par contre j'ai rien dans le casque. J'ai rien dans mon casque. Alors, t'as rien dans ton casque, bah, t'as un problème ou t'as le sorti casque? Ouais, donc, et... Casque, et ça je pense que ça vient pas du branchement, ça vient de mon ordi. Alors, tu sais, dans ton ordi, t'as le haut-parleur. Oui. T'as un haut-parleur en bas à droite. Oui. Dans le mélangeur, là. Oui. Dans le mélangeur. Oui, oui, oui, oui. Il y a peut-être un truc à toucher, là. Alors, attends, je suis en train de regarder. Je sais pas comment on fait, là. Là, pour l'instant, je ne peux toucher que le volume. Box, ça c'est la batterie. I'm with you now. Français. Non, j'ai pas beaucoup de choix. Make me crazy. With you now. Non, je suis que sur le volume du casque. Ah, attends. I'm with you now. Make me crazy. I'm reaching now. Making me crazy. Reaching now. Je pense que mon ordi est baisé. J'ai un problème de branchement, c'est, ça vient pas du a priori, je pense, parce que mon matériel il fonctionne quand même, mais mal, mais il fonctionne. Et là, j'essaye de toucher un petit peu le jack, de le toucher le contact et il n'y a rien. Donc ça vient pas de là. Je pense qu'il y a un truc qui. Effectivement, il y a un truc qui est mal. Ah, attends. J'ai du son dans l'ordi, mais pas dans le casque. Ah, faut que je trouve le truc, hein, mais bon. Master, c'est pas ça. C'est peut-être dans mon truc, on va savoir. C'est quoi tu sais ce que c'est, les fonctions sur nos colonnes à nous, là? sur nos colonnes, là, il y a des petits machins, là, des petits symboles. Ouais. Il y a le S, ça veut dire quoi, le S? Je sais pas. Hein? Le S, ça veut dire quoi? Non, mais ça n'a rien à voir, ça t'inquiète pas. D'accord, d'accord. Ça n'a rien à voir. D'accord. C'est très simple, ça n'a rien à voir avec ça. Tout marche, là, moi je t'entends, Philippe. D'accord. Si tu joues de la batterie, je t'entends, hein. Ouais, d'accord. Attends, je vais faire un test, quand même. C'est Manu Z là qui jouait. Non mais t'as, qu'est-ce que ça a donné? Tu m'as entendu quoi? Ah oui d'accord. Donc faut que je baisse le micro. Hein. C'est ça, ouais. Je vais le baisser. Attends, bouge pas. Je vais le baisser. Ouais, je le baisse. Je vais le mettre à 25. J'étais à 37, je le mets à 25. Je vais refaire un essai. Et j'ai viré le... Il y avait un batteur qui jouait là. Manu Z, c'est un batteur. Il faudra peut-être que j'ai... Il y a un casque, c'est ça? D'accord. veut dire que là, le, pour le coup, je me fais pas chier avec une sortie d'ordinateur. Je me prends directement sur la chaîne, c'est ça. essaye tout. Je baisse encore. Je baisse encore. Alors, bon, je pense que j'ai trouvé ce que c'était. Ouais, mais je, ça y est, j'ai trouvé le réglage. C'est en fait, c'est pas sur mon Zoom, c'est sur le PC. Tu sais, c'est mon potard qui était trop fort, mon truc là. Sur le PC, ouais. Voilà, donc là, je l'ai redescendu à presque la moitié. Et je pense que, après, tu vois, faut trouver le truc, faut trouver le réglage, quoi. Mais bon, ça règle pas mon problème de casque, mais j'ai compris comment ça fonctionnait déjà. Là par contre, il est bizarre à régler ce con. Parce que j'essaie de le faire descendre, le putter. Il a essayé de m'appeler, ouais. Thank you. Ciao les mecs. Ouais. Non, je sais pas. Ouais, je vais aller faire une petite pause, moi, je vais arrêter là.